C'est que la cocaïne, les seuls qui assassinent. C'est que la fille avec peste, les saintes te molestent. Tu es ses mots de bois, tu es ses fesses au choix. Mais tu te sac et sape, tu es ses impercrapes. Tu es ses métiers, tout comme la mer de vie. Tu es ses mépanies, des lieux de culte pourris. Y en a marre de bourgeoisie. À Paris comme à Angers, y'en a marre de se la péter. Tu es sève, n'a pas de blé. Tu es sympa, quel que soit le coup.